La direction des Coréens aux États-Unis de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie a tenu le 26 la 27e session plénière des membres au niveau central. La réunion a dressé le bilan des activités de l'année passée en faveur de la proposition d'ouverture d'une conférence conjointe des partis politiques, organisations sociales et personnalités individuelles du Nord, du Sud et de la diaspora pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne et de la solidarité avec les formations pour la réunification et a discuté l'orientation des activités de cette année. Lors de la réunion, a été donnée la lecture de la déclaration sous le titre « Mettant un terme aux manœuvres militaires sud-coréo-américaines et saluant le nouveau jour de la nation ».